Il n'y a pas eu d'émission de la Fabrique de l'Histoire hier en raison de la messe de Noël, deuxième temps donc aujourd'hui de notre série de documentaires en nouvelle diffusion. Lundi, vous avez pu suivre l'histoire étonnante de cette jeune anarchiste de 20 ans, Germaine Berton, qui abattit en 1923 le chef des camelots du roi qu'elle estimait responsable de la mort de Jaurès. Ce matin, c'est du destin d'un autre anarchiste dont il sera question dans le documentaire d'Anaïs Quin et Françoise Camard. Il s'appelait Jules Durand et on a gardé un vif souvenir de lui au Havre, où il était, au début du XXe siècle, secrétaire du syndicat des dockers charbonniers. Il fut, dans un premier temps, en 1910, condamné à mort, puis innocenté avant de mourir à l'asile de Rouen. C'est cette histoire de la mort d'un renard, enquête sur l'affaire Jules Durand, que raconte le documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camard, avec les témoignages de Marc Edrich, Jean-Pierre Castelin, Johan Portier, Jacques Defortescu et Pierre Lebas. Ici vécu Jules Durand, 1880-1926, ouvrier charbonnier, syndicaliste, accusé à tort de meurtre. Il fut condamné à mort, puis, on imagine, gracié. Probablement. Il est sans sa santé. Son procès fut qualifié d'affaire Dreyfus du monde du travail. Déclencha une campagne internationale en sa faveur. L'Humanité, 17 septembre 1910. Le vendredi 9 septembre, vers 9h du soir, le chef de bord des Dongers rencontrait sur le quai d'Orléans les ouvriers charbonniers en grève, Mathieu, Couillandre, Lefrançois et un quatrième. Dongers offrit à l'un d'entre eux de boire un verre chez un marchand de vin. Mathieu, à qui il s'adressait plus particulièrement, refusa. Dongers était en état d'ivresse manifeste. Couillandre et Lefrançois, qui sortaient déjà d'un débit, ne l'étaient pas moins. La conversation monta rapidement de ton et tout à coup Dongers sortit de sa poche un revolver. Mathieu et les autres se précipitèrent sur lui pour le désarmer. Dongers était frappé à coups de pied et quand ses agresseurs l'abandonnèrent, il restait sur la place sans connaissance. Il était conduit à l'hôpital où il succomberait le lendemain d'une fracture à la base du crâne. Quelques moments après la rixe, trois de ceux qui avaient participé étaient arrêtés. Devant leur état d'ivresse, le chef de sûreté renonçait à les interroger. Le lendemain, d'autres arrestations étaient décidées par le parquet. Henri Boyer, trésorier du syndicat, le secrétaire du syndicat des charbonniers Jules Durand et le frère de Henri Boyer, Gaston Boyer. Ceux-ci n'avaient pas participé à la rixe, mais on les accuse d'en être les instigateurs. Tels sont les faits dans leur simplicité. Marc Edrich. Oui, passez sur le côté. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Bonjour. La plupart des erreurs judiciaires ont deux causes. Là, c'est le juge d'instruction qui vous parle, parce que le juge d'instruction, l'une de ses obsessions, c'est effectivement d'éviter l'erreur judiciaire. C'est soit un individu faible psychologiquement et qui par ailleurs subit des pressions de sa garde à vue et autres, et qui va faire des aveux. Et donc on part sur une fausse piste comme ça. Deuxième cause principale des erreurs judiciaires, la bavure policière. Et la machine judiciaire n'est pas suffisamment vigilante et s'emballe également. Voilà les deux causes principales. Et dans l'affaire Durand, on n'a ni l'une ni l'autre. Donc jamais d'aveux, jamais. Et on a là, de façon extraordinaire, le seul qui a vu clair dans l'affaire, c'est le policier, le chef de la sûreté, qui, dès le début, écrit, qui, devant la cour d'assises, courageux le personnage, devant la cour d'assises, va dire « J'avais des mouchards, il n'est pas possible qu'aucun écho ne soit venu aux oreilles des mouchards et des policiers jusqu'au 9 septembre, sur le port où tout se sait, où les alcooliques parlent tous les soirs dans les bars, etc. » Complètement improbable. Mort d'un renard, Enquête sur l'affaire Jules Durand. Jean-Pierre Castelin, on est arrivé dans cette maison des syndicats qu'on appelle Franklin. Oui, la célèbre référence havraise, Franklin, le siège des syndicats, le siège de toute la mémoire ouvrière havraise. Et donc là, bon, nous sommes arrivés pour rencontrer Pierre Lebas, qui était secrétaire de l'Union locale CGT, et d'une certaine manière, donc, Pierre, qui est le successeur un peu lointain de Jérôme, qui était secrétaire de l'Union locale à l'époque de Jules Durand, à l'époque des Charbonniers, de l'affaire, et donc de l'affaire Jules Durand. Et nous allons, Pierre, tu vas nous guider. Mais nous pourrions commencer par le portrait de Durand qui est au fond du hall derrière nous. Allons voir ce portrait. Déjà dans cette salle, un double hommage à Jules Durand, l'inscription. Jules Durand, secrétaire du syndicat des ouvriers charbonniers du port du Havre, condamné à mort le 25 novembre 1910 parce qu'il était syndicaliste, bon, ce qui est la cause essentielle. Je ne sais pas si c'est toi ou tes prédécesseurs, vous auriez pu indiquer qui l'avait fait condamner à mort. Enfin, ça, c'est un petit commentaire personnel. Puis, en bas, le portrait sérigraphié de Jules Durand. Les fautes de Durand sont rarissimes, elles aussi. On connaît deux portraits de Jules Durand. L'un où il est dans une tenue très, bon, cravate, nœud de papillon, très solennel. Certains disent que c'est une photo de son mariage, auquel je pense pas parce qu'il s'est marié très jeune, il devait avoir 20 ans. Sur la photo en question, il est un peu plus âgé. Une deuxième photo qui a été prise quand il était hospitalisé, soit à Sotteville, certains disent à Sainte-Anne. Donc là, Durand, très amaigri, dans une tenue très simple, de prisonnier, de patient d'un asile d'aliénés, enfin, une tenue de quelqu'un qui est enfermé dans une institution. Pierre Lebas, est-ce que vous pouvez nous parler de cette grève de 1910 des charbonniers qui va donner lieu par la suite à cette affaire Jules Durand? À l'époque, on n'est encore pas très habitué au droit de grève en France. On n'est pas habitué au droit de grève, puis on n'est pas habitué à une mobilisation importante des salariés. L'élément déclencheur, c'est la mise en place. On est dans la révolution industrielle et c'est l'application et la mise en place d'une machine qui va supprimer des emplois de dockers charbonniers. C'est quoi cette machine? C'est une tankerville, c'est une machine qui va pouvoir alimenter les bateaux. Pour faire fonctionner les bateaux, et cette machine va prendre le charbon à quai et le met directement dans les bateaux au lieu qu'il soit chargé par grue et manuellement par les ouvriers dockers. C'est un système un peu de tapis roulant et de godet qui permettent de charger ou de décharger le charbon. Un engin qui faisait le travail de 150 charbonniers. Donc ça a été une menace pour l'emploi, une menace terrible. Pardon Pierre, je t'ai coupé. Durand refonde le syndicat en juillet 1910. Donc avec la volonté d'une action syndicale, bien évidemment. Et quasiment à ce moment-là, cette fameuse Compagnie Générale Transatlantique, puisqu'elle était mise en avant, elle était à l'avant-garde des autres armateurs sans doute, installe cet engin qui a été un peu la goutte d'eau qui a déclenché la grève. Fortescue. Bonjour. Il faut se resituer dans le contexte de la période. Mouvement ouvrier naissant. Jacques de Fortescue, secrétaire de l'Institut d'Histoire de la CGT de Seine-Maritime. Il faut savoir que quand le conflit éclate, c'est un mois, à peine un mois, après la création du syndicat des dockers charbonniers au Havre. C'est dans un contexte quand même où il y a beaucoup de mouvements syndicaux. En 1909, il y a 11 grèves représentant 3200 grévistes et 226 jours de grève en 1909. C'est-à-dire juste avant le conflit Jules Durand. Et à chaque fois, la répression est importante. À chaque fois, les militants ouvriers, enfin les militants syndicaux, mais quelquefois tout simplement des grévistes, sont arrêtés, mis en prison, etc., etc. Et puis, par exemple, il y a un truc qui se passe à l'époque qui n'existe pas aujourd'hui, c'est qu'on met des affiches en interdisant aux ouvriers d'aller travailler dans telle boîte, quoi. On met la boîte à l'index, quoi. On les met à l'index. D'ailleurs, il y a une affiche où on les voit mettre à l'index telle boîte au moment du conflit des charbonniers, puisque les patrons disent « faut enlever cette affiche-là si vous voulez qu'on négocie ». Enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Ce carrefour, qui est la place Léon-Carbier, était le lieu d'embauche des dockers. Jean-Pierre Castelin, ethnologue, président de l'association des Amis de Jules Durand. Comme vous voyez sur ces photos. Oui, on voit un attroupement. Un attroupement de dockers. Parfois, il était des milliers en période pleine embauche, où il y avait beaucoup de trafic. Ils étaient embauchés à la journée ? Ils étaient embauchés à la vacation. C'est-à-dire que la journée, les 24 heures, était en trois vacations. Deux vacations de jour, une vacation de nuit. Et c'est là que les chefs d'équipe constituaient leur équipe de docker pour aller charger ou décharger les navires. Donc là, ce carrefour, cette place Léon-Carbier, était un lieu très célèbre, puisque c'était le lieu d'embauche, et c'est devenu un lieu, on peut dire, mythique, puisque pour les vieux dockers, les plus anciens, c'est une référence considérable. Et d'autant plus qu'on voit un beffroi, au fond, au fond du beffroi, il y avait la cloche des dockers, cloche qui rythmait les vacations. Cette affaire, elle est extraordinaire parce qu'elle se passe en 9 mois. C'est une gestation tragique. Marc Edrich, juge d'instruction au tribunal de grande instance du Havre et secrétaire de l'association des Amis de Jules Durand. 9 mois entre le 9 septembre, une rixe sur le port du Havre, sur fond de grève, entre 3 grévistes ivrognes et un non-gréviste ivre également. Ça se termine de façon tragique. Le non-gréviste, le renard, à l'époque, on parlait des renards, meurt. Et à partir de là, la Compagnie Générale Transatlantique, la principale compagnie ici du Havre, va saisir cette opportunité pour mettre un terme à la grève des ouvriers charbonniers qui bloquent le port depuis 3 semaines. Et à la tête du syndicat des charbonniers, un jeune homme d'à peine 30 ans, Jules Durand, surnommé sur les quais le buveur d'eau, parce qu'à l'époque, vous imaginez que les charbonniers vivaient dans une misère absolument incroyable, et étaient, pour la plupart, c'est un syndicaliste de l'époque d'ailleurs qui le dit, étaient alcooliques. Cette histoire, c'est un peu Germinal sur mer. On est dans le charbon, on a un leader syndical comme dans Germinal, qui petit à petit va focaliser l'attention des employeurs, et on va chercher à éliminer d'une certaine manière le leader, qui a un vrai leadership naturel. Il est membre de la Ligue des droits de l'homme, qui a 10 ans d'âge à l'époque, qui a été créée au moment de l'affaire Dreyfus, mais qui ne réunit pas trop, en général, les ouvriers, qui réunit plutôt les bourgeois, les intellectuels, les Dreyfusards. Il est membre d'une ligue anti-alcoolique, et il suit des cours du soir à la Bourse du Travail, Cours de la République. Et il a pris la tête, assez naturellement, de ce jeune syndicat des charbonniers qui... environ 400 adhérents sur le port. Donc le 9 septembre, on revient à cette rixe mortelle, va être nommé un juge d'instruction pour mener à bien l'enquête sur cette rixe. « 14 septembre 1910. Ma chère Julien, ne te fais pas de chagrin. Tout le monde connaît ma conduite, comme toi tu as pu longtemps la juger. Te dire la principale chose en ce moment est de consoler le père et la mère, car je suis persuadé qu'ils doivent être dans un profond chagrin. Eh bien, ce n'est pas la peine, car soyez certain que ma détention n'est qu'une question de jours et que je ressortirai la tête haute. » S'il te plaît, n'oublie pas mes chers pigeons. Je me mets à votre place. Il est douloureux pour vous de me savoir en prison, mais sachez que moi, je suis certain, à l'avance, que je serai en liberté et que je pourrai vous embrasser de tout mon cœur. Ton Jules. Il y a un élément paradoxal justement dans la condamnation et dans la peine, c'est que finalement, seul Jules Durand est condamné à mort parce que c'est le seul qui ne buvait pas. Oui, vous entendrez dire que la plupart, alors on dit 90% pour ne pas dire 100%, hein, des charbonniers, mais le docker dans l'absolu est alcoolique. Hein. Johan Portier, secrétaire général du syndicat des dockers. Et c'est justement pour ça que Jules Durand paraissait un homme dangereux. Et certains disaient, cet homme est dangereux, il ne boit pas. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que le système était mis en place de cette façon. C'est-à-dire que les dockers, à l'époque, étaient payés en jetons. Et les jetons étaient payables uniquement dans les bars à café. Vous voyez ? Donc vous preniez, on travaillait tous les deux, on prenait un jeton et on allait se le faire payer dans le bar. Alors vous pensez bien que le patron du bar, c'était le maître. C'est lui qui donnait l'argent. Donc vous arriviez, vous donniez un jeton. Bon, c'était à tourner, pas de problème. Bon, voilà. C'est-à-dire que c'était les tenanciers du bar qui donnaient l'argent liquide. Exactement. On avait le choix de prendre de l'argent ou au contraire de boire une partie de son salaire, c'est ça ? Je pense qu'on ne vous laissait pas trop le choix. Vous voyez, les patrons, les compagnies donnaient l'argent au cafetier. Le docker avait son jeton et il faisait changer son jeton contre son salaire qui avait été donné par la compagnie. C'est simple, hein, si vous, on imagine bien que si vous ne payez pas la tournée... Bah, vous attendiez la prochaine fois que tout le monde ait eu sa paye avant de l'avoir. Vous comprenez ? C'était un système établi comme ça. C'est qu'à un moment donné, bah, je vous dis, pendant que les salariés boivent après leur travail, ils ne pensent pas à revendiquer, à se réunir, à se rassembler, à s'unir voilà, et à demander certaines choses. Très vite, et ça fait partie des ingrédients qui vont permettre cet emballement judiciaire, très vite, on qualifie les faits d'assassinat. Rétrospectivement, on ne voit pas trop comment on peut qualifier ces faits d'assassinat, parce que l'assassinat, il faut le rappeler, c'est un meurtre avec préméditation, hein, ou guet-apens. Bon, là, on a une rixe entre ivrognes. Aujourd'hui, on qualifierait ces faits de coups mortels, c'est-à-dire de violence, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. D'accord ? Ça relève quand même de la cour d'assises, mais on est quand même sur un étage, j'allais dire, inférieur, au meurtre d'une part, parce que là il y a l'intention, et à l'assassinat, là il y a la préméditation. Donc on qualifie les faits d'assassinat, et on entend, le juge d'instruction entend, non pas dans son bureau, comme c'est en principe l'usage, mais il entend sur le port, dans les locaux de la Compagnie Générale Transatlantique, il entend 10 témoins charbonniers, un peu alcooliques, un peu analphabètes, on imagine, un peu, etc., et qui disent très clairement au juge d'instruction que l'ordre de tuer Donger, puisque c'est le nom de la victime, l'ordre de tuer Donger a été donné par Jules Durand et les frères Boyer, qui sont les secrétaires adjoints et trésoriers du jeune syndicat. Et là, la justice s'emballe, j'allais dire. On fait arrêter deux jours après, le 11 septembre, Jules Durand chez lui. Il dit à sa femme de ne pas s'inquiéter, qu'il reviendra dans l'après-midi. Surtout que Jules Durand avait, on a des traces de ça, avait une réputation d'un leader un peu charismatique, posé. Il était en relation très fréquente avec le maire du Havre de l'époque pour, par exemple, emmener, apporter du charbon aux hospices, que les hospices ne souffrent pas de la grève du port, pour négocier comme ça des aménagements de la grève pour les gens les plus nécessiteux. Et puis il demandait au maire également d'être un peu un intermédiaire vis-à-vis du patronat local, des entreprises portuaires, qui était très dur dans la réponse aux revendications des grévistes, ce qui a échoué. Mais donc il était assez connu, Jules Durand, de la mairie, de la police, qui avait des mouchards partout, etc., comme étant un type plutôt intelligent, redoutable certainement pour ses adversaires, et plutôt posé et contre la violence. Il est arrêté, il est inculpé de complicité d'assassinat avec ses deux acolytes, les frères Boyer, et il est écroué à la prison du Havre. Alors là, on entre dans ce que la presse va appeler l'affaire Durand, et c'est là aussi que s'amorce la comparaison avec l'affaire Dreyfus. Jean-Pierre Castelin. L'expression « l'affaire Dreyfus du pauvre, l'affaire Dreyfus des ouvriers », c'est vient de là. Parce que la presse est rapidement convaincue également de l'innocence de Jules Durand ? Il y a plusieurs presses. Il y a la presse locale, bourgeoise, de droite, on peut le dire comme on veut, et son célèbre journaliste Urbain Falaise, presse qui, immédiatement après la mort de Longer, titre sur le syndicat du crime, sur l'horreur des anarchistes, etc. Donc une presse qui, la main dans la main avec le juge et la transat. De fait, la main dans la main, puisqu'ils ont tous, de leur place respective, ils ont tous le même discours. Et il y a une autre presse, Le Progrès, un journal que l'on peut qualifier de socialiste, au sens de l'époque. Un journal syndical, Vérité, enfin un journal de l'Union des syndicats du Havre, et un journal national, L'Humanité. L'Humanité de 1910, c'est-à-dire L'Humanité, le journal de Jaurès. Le Progrès et Vérité, de leur point de vue, vont mener des enquêtes assez fouillées, mais l'enquête la plus fouillée vient de L'Humanité. Et là, très vite, cette presse montre qu'il s'agit d'une machination. Sauf que entre L'Humanité, qui démontre la machination, et Le Havre éclair et ses immenses titres sur le syndicat du crime, le choix de l'opinion est vite fait. On lui désigne assez vite un avocat. Marc Edrich. C'est le maire qui intervient pour qu'il ait un avocat. Et on lui désigne un jeune avocat, qui est aussi jeune que lui, qui a 30 ans, qui s'appelle René Coty, futur président de la République, peu expérimenté sur le plan pénal, dont l'épouse est fille d'un armateur, donc plutôt d'origine, bourgeoise à l'époque, et liée aux prospères armateurs de la place, mais qui va s'évertuer à défendre le mieux possible Durand. Alors à l'époque, les droits de la défense n'étaient absolument pas comme ceux qui existent aujourd'hui. L'avocat n'avait pas accès au dossier, l'avocat avait peu accès à son client, et la distance entre l'avocat et le juge d'instruction était très importante. Vous vous rendez compte, 11 septembre, il est arrêté, 25 novembre, il est jugé par la cour d'assises de Rouen. Il faut quand même que le temps, à l'époque, qu'on transmette les dossiers. Il faut que le temps qu'à l'époque, la chambre d'accusation relise l'instruction du juge Bernice et ordonne la mise en accusation de Durand. Ça signifie que l'erreur judiciaire, c'est pas un homme. Mais c'est au moins, j'ai compté, c'est au moins 10 magistrats de l'époque qui ont vu le dossier et qui lui ont donné cette orientation, ce qui est assez monstrueux. C'est un juge d'instruction, c'est un procureur, mais également à la cour d'appel, il faut 3 juges à la chambre d'accusation, il faut un procureur général, il faut un président de cour d'assises avec ses 2 assesseurs. Le système judiciaire est totalement impliqué. Et c'est une cour d'assises qui condamne Jules Durand, donc il y a des jurés. Est-ce qu'on sait comment a été composé ce jury ? Oui, ça, alors malheureusement dans cette affaire, le dossier d'instruction, dont j'aurais tellement aimé prendre connaissance, a disparu. j'ai voulu le vérifier par moi-même. Je suis allé aux archives parce que j'avais du mal à croire. Et dans certains ouvrages, on dit « il a disparu le dossier suite au bombardement de Rouen, aux inondations, etc. » Non, il n'a pas disparu. J'ai regardé, on m'a sorti une caisse datant du début du siècle. J'ai soulevé le couvercle, des papiers très vieux, des parchemins. Et on a toutes les affaires, toutes les condamnations de 1910 par la cour d'assises de Rouen, aux archives de Rouen, toutes. Attentat à la pudeur, à l'époque, on appelait ça pour les viols, les homicides. Et pour l'affaire Durand, on a une petite feuille volante qui est l'arrêt, la copie. En fait, c'est un scribe qui a recopié la copie de l'arrêt de 1918 Innocentant Durand qu'on a glissé ici. Mais le dossier d'instruction avec les témoignages, les confrontations, etc., a disparu. Alors ensuite, on peut, mais là on n'a pas de preuves, hein, on peut dire qui avait intérêt à ce que ce dossier disparaisse. Et est-ce que l'absence de poursuite de la Compagnie Générale Transatlantique et des faux témoins n'est pas liée au fait qu'il n'y avait plus de dossier? Et comment poursuivre un faux témoin si on n'a pas sa déposition? Alors le jury est composé, on a la composition, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un jury composé, alors les syndicalistes ont beaucoup dit, oui, c'était un jury de bourgeois. Faut savoir, alors c'est vrai que principalement, ce sont des professions libérales, des agriculteurs, des commerçants, un médecin qui préside le jury. Il y a un ouvrier sur 12. Il faut savoir que le jury, à l'époque, n'était pas tiré au sort sur les listes électorales comme aujourd'hui. Donc c'était pas aussi démocratique que la justice populaire du 21e siècle ou du 20e siècle. C'était une désignation par les préfets puis par les maires. Donc c'était quand même des notables ou des gens recommandés par des autorités administratives. Donc on n'avait pas effectivement ce caractère extrêmement démocratique. 16 novembre 1910. Maison d'arrêt de Rouen. Mes accusateurs viennent de me faire conduire les menottes aux mains, mais qu'ils prennent garde, car la cour d'assises s'apercevra bien que ce n'est que mensonge, et que tout n'est que parti pris contre le syndicat. À l'époque, le verdict de la cour d'assises se passait en deux temps, et ça, faut bien le comprendre. D'abord, une fois que le procès est terminé, on a entendu tous les témoins, etc., les jurés, peu expérimentés en droit, forcément, se retirent seuls. Et on leur demande de répondre à deux questions. Est-ce que l'individu ou les individus sont coupables? Est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes? C'est les deux questions qu'on leur pose. Et on leur demande surtout, ne tenez pas compte des éventuelles... On leur lit même et ils prêtent serment. Ne tenez surtout pas compte des éventuelles conséquences des réponses que vous apporterez à ces questions. Donc ils n'ont pas à s'occuper de la peine. Deuxième temps, les jurés reviennent auprès des juges professionnels et... donnent connaissance de leur réponse. Et là, les peines sont quasiment automatiques. Donc c'est le président de la cour d'assises qui dit « Le juré a déclaré un tel coupable d'assassinat, lui a reconnu les circonstances atténuantes, il sera donc condamné à 15 ans de travaux forcés. » Et on arrive au cas de Durand, le dernier. Durand a été reconnu coupable d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation ou guet-apens. Le jury a considéré qu'il n'avait pas de circonstances atténuantes. La peine est donc la peine capitale. Durand aura la tête tranchée sur une place publique de Rouen. Et là, stupéfaction générale de tous. Coty, trop confiant, l'avocat trop confiant, avait toujours dit à Durand, vous verrez, ça va bien se passer, etc. Totalement stupéfait. Durand fait une crise devant ses camarades, espèce de tétanie, les camarades sont totalement ébahis, y compris les gens de la Compagnie Générale Transatlantique l'écriront en disant, finalement, ça a peut-être été trop loin, ils étaient un petit peu gênés, mais ils n'imaginaient pas que ça allait jusque-là, et ce qu'ils voulaient, c'est que la grève soit stoppée, et la grève a été stoppée le lendemain de l'arrestation de Durand, ça, il faut le redire, et puis qu'il y ait peut-être un coup de semonce pour les syndicats fauteurs de troubles sur le port, mais c'était le seul objectif. Et puis surtout, stupéfaction des membres du jury qui n'avaient pas compris les conséquences de leur réponse aux questions. Et là, ils se tournent tous, mais ça, on a des témoignages, parce que la presse était là. Et là, les jurés se tournent vers le président, mais on n'avait pas prévu ça, qu'est-ce qui se passe? Et demandent s'ils peuvent revenir. Et le président, je pense, aurait pu revenir, mais le président dit non, on ne peut pas revenir. Et donc, fait absolument, là aussi, incroyable, l'ensemble des jurés signe collectivement une demande en grâce, sur le champ, qui est adressée au président de la République, avec un mot du procureur général qui explique comment les choses se sont passées. Ça aussi, c'est un des éléments importants pour comprendre cette erreur judiciaire. Novembre, quartier des condamnés à mort à la maison d'arrêt de Rouen. Chers parents, après un abattement de quelques jours, la force me revient car l'innocence est en moi. Non, ce n'est pas de la justice. Jules. N'oublie pas mes chers pigeons, ton Jules, Jules Durand. Jules Durand est devenu, entre guillemets, fou. Les guillemets sont importants. Alain Gouifès, psychiatre. Après l'énoncé du verdict de condamnation à mort, il a perdu connaissance, il a convulsé, il aurait fait un épisode confusionnel également, dont il se serait ressaisi, mais il a été conduit en prison. Il a après établi des lettres censées, tout à fait compréhensibles, à ses amis et des avocats. Et puis petit à petit, il s'est enfoncé dans ce qu'on peut appeler la folie. Au niveau de la psychiatrie classique maintenant, pour évoquer un diagnostic de schizophrénie, de troubles bipolaires, de psychose réactionnelle, de pathologie post-traumatique. Je crois que c'est plutôt vers ça qu'il faut s'orienter. Donc Jules Durand a connu un effondrement intérieur dans des conditions d'incarcération particulièrement terribles. Il a été pendant près de 26 jours avec sans doute la cagoule noire des condamnés à mort qui devaient être décapités sur la place publique de Rouen, les fers aux pieds sans doute, et une camisole de force sans doute parce qu'il devait présenter des troubles qui se sont progressivement aggravés, troubles psychiatriques. Pendant presque un mois. C'est ça, entre l'énoncé du verdict et l'énoncé d'une grâce qui a été décidée par le président de la République de l'époque, Armand Falière. Ce qui demeure mystérieux, c'est qu'il s'effondre. On aurait pu penser que ce serait un épisode aigu ou subaigu, et qu'une fois la grâce reconnue, la sortie de prison et également quelques semaines après, est revenu chez lui. Il y a eu, en médecine, on dit un mot latin, même une restitutio ad integrum, c'est-à-dire qu'il serait revenu dans l'état d'avant. Et ça ne s'est pas passé. Donc pourquoi ? Mobilisation générale, Jaurès fait des éditoriaux fantastiques dans l'Humanité, la Ligue des droits de l'homme organise avec la CGT des meetings un peu partout en France, il y a des mouvements de grève dans certains ports, puisque la nouvelle repart par les bateaux, libérer Durand à Barcelone, à Liverpool, à Melbourne, à Chicago, enfin bon. Jaurès relance toute la mécanique de l'affaire Dreyfus en disant c'est l'affaire Dreyfus du pauvre. Il y a Anatole France qui lance également des campagnes. À l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés à l'époque, il y a des débats sur l'affaire Durand, dysfonctionnement de la justice, etc. Et puis très vite, Coty va voir le président Falière, président de la République de l'époque. Je dis très vite parce qu'il est condamné encore une fois le 25 novembre et le rendez-vous chez le président de la République se passe le 31 décembre. Donc on est dans une séquence temps extrêmement serrée. Et Falière, qui était un président de la République de toute façon abolitionniste, à l'époque, la peine de mort avait failli être abolie. Il y avait des grands débats en 1908. Falière avait cette conviction. Donc c'était assez entendu que la peine de mort ne serait pas exécutée. Donc Falière, le président Falière, décide quasi immédiatement, ça tombe le 1er janvier 1911, de gracier partiellement du rang et de commuer la peine de mort en 7 ans de réclusion criminelle. Ça ne calme pas ni la famille de Durand, puisque Durand reste détenu, ni bien sûr le monde syndical, ni Jaurès dans l'Humanité, ni les anarchistes, ni la Ligue des droits de l'homme qui disent « pour un innocent, 7 ans, ça reste bien entendu totalement injuste ». L'Humanité, 28 janvier 1911. Déclaration du docker Pacantin. Au lendemain de la bagarre du Quai d'Orléans, nous fûmes interrogés par M. Delarue, ingénieur, et M. Ducrot, agent général de la compagnie transatlantique. Ces messieurs parurent animés de mauvaises intentions à l'égard des frères Boyer, mais il fut peu question de Durand. Nous fûmes appelés un à un dans le bureau de Ducrot et mis en présence du juge d'instruction. Il nous fit tour à tour subir un interrogatoire. M. Delarue, qui nous avait réunis à cet effet, nous répéta à plusieurs reprises « Surtout, ne craignez pas de charger ». Avant de partir à Rouen, il fut versé à chacun d'entre nous par les soins du caissier de la Transatlantique 20 francs pour le voyage à Rouen. Toutes nos dépenses ont été réglées par M. Delarue, qui prenait ses repas à la même table que nous. J'affirme que jamais, à aucun moment, des paroles de violence ou d'excitation n'ont été prononcées par Durand au cours des réunions auxquelles j'ai assisté. Je n'ai d'ailleurs assisté qu'à 2 réunions du syndicat, la première avant la grève et la seconde alors que la grève était terminée. Mes paroles et ma pensée ont été déformées et je souffre grandement à la pensée que mon témoignage a pu contribuer à faire condamner un homme que je considère innocent. C'est une machination, ça a été dit par les plus grandes autorités de l'époque, c'est une machination, mais on a découvert cette machination qu'après coup, qu'après une contre-enquête, le ministère de la Justice a organisé une contre-enquête. Des magistrats se sont penchés sur cette contre-enquête et ont vu petit à petit, ont pu constater que les témoignages ne tenaient pas, qu'il y a eu des rétractations de ces 10 charbonniers. Ils n'ont pas tous tenu dans le temps cet horrible témoignage. Un des ingénieurs de la Compagnie Générale Transatlantique s'est également rétracté et petit à petit, on a pu démonter cette machination. Ce qui est quand même extraordinaire et qui participe au fait qu'il s'agit, et je le répète, de la plus grande erreur judiciaire du XXe siècle. Pourquoi plus grande erreur judiciaire ? Parce qu'il est le seul condamné à mort, à avoir été innocenté. Il n'y en a pas deux, au XXe siècle. Mais au-delà de ça, c'est aussi le seul à être mort fou sans jamais avoir eu connaissance de sa réhabilitation. Et par ailleurs, c'est une erreur judiciaire qui est, j'allais dire, décuplée par le fait que les auteurs de la machination n'ont jamais été poursuivis. Jamais. Alors qu'on les connaît ? Oui, on a notamment les deux noms de l'ingénieur et de l'agent maritime principal, je crois que c'est le nom précis, Ducrot et Delarue, pour ne pas les nommer, qui ont été à l'origine de cette machination. Ils n'ont jamais été condamnés, même poursuivis. Et alors, on découvre en lisant les réquisitions donc, du procureur général de l'époque, en 1917 et en 1918. Bon, nous sommes au lendemain, il faut revoir le contexte, nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les esprits sont ailleurs. La France a été martyrisée, puis elle a été victorieuse. Elle a perdu beaucoup de vies humaines. Et on n'a pas envie de raviver, de réouvrir les cicatrices d'antan. Et on décide délibérément de ne pas poursuivre les faux témoins, parce qu'il y avait des faux témoins, et les personnes à l'origine de cette machination. C'est à 4 heures du matin, heure sinistre en cette saison, que Durand fut réveillé. Pourquoi avoir choisi cette heure anormale ? Vraisemblablement, on voulait que l'innocent prît un train qui le ramènerait au Havre, seul dans la pénombre du petit jour. Ce fut un chef de division de la préfecture qui vint annoncer la bonne nouvelle à Durand. Aussitôt, le directeur invitait le libéré à s'habiller. L'Humanité, 16 février 1911. Quand il est revenu au domicile familial, toute la famille était contente. Le père, la mort dans l'âme, a dû se résoudre à demander l'hospitalisation et l'internement de son fils unique, qui avait été condamné à mort, qui avait été gracié. Il revient chez lui, et quelques semaines après, le maintien à domicile n'est plus possible, il explose complètement. Ça, on le sait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il balance des choses par la fenêtre, des objets, il crie, invoquant peut-être le message religio-chrétien, tout ça, c'est injuste, il faut qu'on lui rende justice. Il met le feu à des meubles et au plancher. Il étrangle des pigeons qui étaient pour lui très très importants. Il est sans doute violent au sein de la famille. La petite fille qui vient de naître, il ne s'en occupe pas, oui, il la reconnaît pas, du moins. Donc cette fonction de paternité, il est pas du tout dedans. Et ça va tellement mal qu'il faut que le père demande une hospitalisation. Donc ça, ce sont des signes graves, très graves. Et puis tous les entourages avec ses amis, syndicalistes et tout ça, ils ne donnent pas vraiment suite. Tous ses amis syndicalistes au Havre l'attendent à Franklin pour des rencontres, tout ça. Et il est dans un monde intérieur qui a rompu ses liens avec le monde extérieur. De quelles informations vous disposez, Alain Gouyfès, pour faire ce portrait psychiatrique de Jules Durand ? C'est assez terrible. Nous ne disposons, alors, au jour d'aujourd'hui, d'aucun document clinique. Rien de rien. On sait qu'il a été accueilli après que son père eut demandé qu'il soit hospitalisé d'abord au Havre, à Pinel, puis transféré à l'asile départemental de l'époque 4 mars, qu'il a été reçu dans cet hôpital par le médecin directeur, qui était le docteur Lallemand, qui était le président du jury de cour d'assises qui l'a condamné à mort. Vous vous rendez compte? Il est condamné à mort par un jury de cour d'assises. Il va mal, il s'effondre. Il arrive à l'hôpital de Saint-Yon. Qui le reçoit? Le président de la cour d'assises. Il l'a condamné à mort. Alors on ne sait pas comment il s'est positionné, mais vous voyez, en termes de cataclysme identitaire et tout ça, ce que ça peut faire. Donc, ce qu'il y a de terrible, c'est que donc Jules Durand, ensuite conduit à l'asile de 4 mars, il est resté 15 ans hospitalisé, interné, enfermé. Il y est mort en 1926. Jean-Pierre Castelin, on se trouve quai de Saône, où s'alignaient à l'époque de Jules Durand des hangars. D'ailleurs, on en a encore un exemple qui s'écroule sous les yeux en briques rouges. Et c'est aussi le quartier où Jules Durand vivait. Ce quai de Saône était un quai et un quartier typique de la vie portuaire du Havre. C'était un quartier essentiellement de caire. Sur ce quai, sur le quai de Saône, il y avait des maisons d'habitats très populaires, d'habitats de docker et des entrepôts comme celui qui est en train de tomber en ruine par manque d'entretien. Et là, à gauche, où maintenant c'est un jardin fluvial, enfin ce que les urbanistes appellent maintenant un jardin fluvial, c'est une pelouse avec des bancs et c'était tout un alignement sur tout le quai de hangars. Donc Jules Durand habitait, plus exactement les parents de Jules Durand, au 51 quai de Saône, cette maison là devant laquelle nous sommes, au deuxième étage. Et Jules Durand, bon, qui s'était marié jeune, qui s'est séparé de son épouse, est venu vivre chez ses parents au moment, à l'époque, où il est devenu charbonnier, où il a pris la direction du syndicat. Et son père était aussi docker. Son père était également docker, travaillait aux docks et entrepôts. Dès l'arrestation, son père a subi quantité de pression de la part de l'employeur du père, lui reprochant de s'occuper de son fils. Pression pour qu'il se désolidarise de son fils. Ce que le père a refusé, il a été licencié. et les propriétaires du logement ont expulsé les parents de Jules Durand dans les semaines qui ont suivi son incarcération. La compagne de Jules Durand, Julia, qui était enceinte, est retournée chez sa propre mère dans le quartier du Rond-Point. Et les parents expulsés ont habité trois maisons plus loin. Et puis, parce que je le sais, deux numéros plus loin, sont des lieux très chargés de la mémoire de Durand. Parce que, bon, je disais, le père qui est chassé de son travail, chassé de son logement. Lorsque Jules, son fils, a été condamné à mort, bon, le père a très mal encaissé, a essayé de se jeter sous un train à Rouen. Et bon, il s'est pas remis de la condamnation de son fils et il est décédé très, très tôt. Il est décédé en 1913. Il est mort à l'hôpital général au Havre. Et lorsqu'il est mort, les services funèbres de l'époque ont ramené le corps à son domicile, c'est-à-dire ici, là, au 47-49. Et des centaines ou des milliers de dockers, de gens du quartier, sont repartis d'ici avec le corps pour l'emmener au cimetière. Avec tout ce qui s'est passé, justement, éventuellement, les faux témoins qui ont accepté de témoigner contre Jules Durand, etc., est-ce que ça n'est pas ça qui freine aussi peut-être le fait de réactiver des recherches ou une enquête sur l'affaire Jules Durand, c'est-à-dire de lever le voile sur des choses dont on n'a plus très envie de se souvenir? C'est clair. Et puis, vous imaginez bien, 100 ans après, c'est encore plus difficile. Mais comme je vous dis, il reste aujourd'hui des descendants de toutes ces personnes. Donc, qui dit réhabiliter la mémoire de Jules Durand est peut-être l'inverse. Pour leurs aïeux. Ça gêne, c'est dérangeant. Et oui, vous trouverez aujourd'hui des gens au Havre alors qu'ils ont des documents ou autres, mais qui ne vous répondront pas. Voilà, c'est un peu tabou. Ben voilà, faut pas en parler. Et 100 ans après, effectivement. Mais nous, c'est désolant de savoir que justement, tout ça aujourd'hui est connu, est su, et qu'il n'y a aucun responsable aujourd'hui qui en a, quoi qu'il arrive, porté la responsabilité, et ne serait-ce qu'une condamnation symbolique, le fait d'avoir fait cette machination qui, quoi qu'il arrive, pour nous, l'a condamné à mort de toute façon. Alors vous imaginez bien que si, à un moment donné, la Ligue des droits de l'homme, la justice en est apparaît, la presse et autres, et eux n'ont pas réussi, alors vous imaginez le mal, simplement, du milieu ouvrier à faire reconnaître les choses. Et qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui, Marc Edrich, par rapport à cette affaire Jules Durand, puisque le premier verdict a été cassé, donc il a été innocenté finalement, après avoir été gracié, il a été innocenté. Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui? Alors c'est la question qu'on nous pose souvent, mais à quoi bon finalement votre histoire de Durand, puisqu'il a été réhabilité, la cour de cassation l'a totalement innocenté, à quoi bon? Alors d'abord, l'a totalement innocenté dans le plus grand anonymat, si je puis dire. Si on veut faire une comparaison avec Dreyfus a été innocenté, réhabilité, réintégré dans l'armée, promu dans l'armée française, et il a eu tous les honneurs de la République. Encore en 2006, le président de la République, Jacques Chirac, a organisé des cérémonies en hommage à cet homme. Durant rien. Durant, il est mort dans un cabanon des indigents à l'hôpital psychiatrique de Sotteville-lès-Rouen. Donc, au-delà effectivement de sa réhabilitation judiciaire, nous attendons une réhabilitation, comment on pourrait dire, une réhabilitation morale. Nous attendons un acte fort de la République qui dise à quel point cet homme a souffert du fait d'un dysfonctionnement gravissime de l'institution judiciaire. Une fois qu'on aura dit ça, je pense que la justice aura fait son acte de coming out nécessaire, et je pense que ça pourra susciter des vocations d'historiens, de juristes qui travaillent sur le sujet. Le sujet est d'une pauvreté en termes de recherche abyssale. Il y a peu de recherches, il y a peu d'étudiants, il y a peu d'histoires. Regardez, je me lève, je prends au hasard dans ma bibliothèque, un peu orientée certes, l'histoire de la justice. Passionnant. En France, du 16e jusqu'au 21e. Bon, on a un super chapitre, les erreurs judiciaires. Passionnant. On a un tableau, les grandes erreurs judiciaires. Moi, j'aime bien les tableaux. Page 644. Et on a l'ensemble des erreurs judiciaires depuis 1746, avec l'affaire Calas, bien entendu. On a Dreyfus, bien sûr. On a Roland Agret, etc. Vous voyez, Jules Durand, vous ? Non, pas du tout. Incroyable. Cette affaire est zappée. Moi, je ne suis pas un historien, mais pourquoi on zappe cette histoire ? Eh ben, le but de notre action, c'est qu'on arrête de zapper cette histoire, qu'il ne s'agit pas d'une histoire avro-avraise, qu'il ne s'agisse pas d'une histoire syndicalo-syndicaliste, qu'il s'agisse d'une page sombre de l'histoire sociale et judiciaire française. Voilà. Merci à Marc Edrich, Jean-Pierre Castelin, Pierre Lebas, Johan Fortier, Jacques de Fortescue et Alain Gouifès. Merci également à Christine Delpech, John Barsman et Henri Leclerc. Lecture, Igor Menjiski. Prise de son, Yann Frécy et Nadège Antonini. Mixage, Olivier Dupré. Mort d'un renard, Anaïs Quien, Françoise Camard. Voilà donc pour ce documentaire que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.